C'est la chronique de la NCAA avec notre ami Hugues Fauché. On l'a fait, d'habitude, on l'enregistre le samedi, mais là, étant donné que c'est la fête de son garçon hier, il a pris congé, donc on l'a fait aussi samedi matin. Salut Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, d'abord, l'agro, on va commenter évidemment la grosse nouvelle de la semaine. Ben, moi, je pense que c'est une grosse nouvelle. Ça allait tellement mal cette année que c'est peut-être juste une belle défaite, mais LSU qui ne se sont fait pogner ne participeront pas au Super Bowl. Donc ils ont été un petit peu suspendus pour avoir été pris en flagrant délit en payant des joueurs, ce qui est complètement interdit dans la NCAA. Oui, absolument. Les règlements sont extrêmement sévères dans la NCAA. Ah oui, très, très clair. Les joueurs n'ont même pas le droit, là, exemple, de signer des autographes puis de se faire payer pour ça. C'est déjà arrivé dans le passé. Là. On se rappelle Johnny Manziel, entre autres. Là. Ouais. C'est très sévère, Danny. C'est même pas relié. Quand un joueur utilise le nom qui s'est construit pour se faire un peu d'argent, c'est assez ordinaire, hein? Ouais. On est d'accord, mais c'est les règlements. Alors, mais comme tu dis, ça allait tellement mal pour LSU. Ah, c'est pas grave. Et puis je veux juste aborder un thème aussi, là, c'est que la saison des bowls va être pour le moins défigurée. Ouais. On a plusieurs bowls qui ont déjà été cancellés. Et il y a des équipes qui. Quelques équipes, dont l'Université de Pittsburgh, qui a décidé déjà de faire un opt-out, c'est-à-dire les joueurs ont décidé de ne pas se présenter. Dans un bowl. Alors, c'est déjà. Je ne pense pas que LSU se serait qualifié de toute façon. Pour ça, c'est pas si grave que ça. Là. Non, effectivement. Donc, ça allait déjà mal, ça va être encore pire. Ça allait déjà mal, donc ça allait plus mal. Je veux te parler de Kyle Trask, le corps des Gators de la Floride. T'sais, on les voit tous avec les Patriots. Parce que tous les deux, on est des fans des Pats. Donc, évidemment, je pense que cette année, c'est l'année idéale pour repêcher un carrière. Vu que Jarrett Stidham ne semble pas être dans les plans de Bill Belichick à la lumière de ce que j'ai vu. Là. Non, c'est assez clair, oui. Donc, c'est clair qu'il faut ça nous prend un carrière pour l'avenir. Puis à chaque fois qu'il y a un joueur, on les voit tout le temps avec les Pats. Puis tu disais, Kyle Trask, on disait, regarde, ce serait pas mauvais ça non plus avec les Pats. Sauf que mon ancien chroniqueur de la NFL, Alexandre Gauthier, c'est un chum, un ami personnel, qui a arrêté parce qu'il n'avait plus le temps. Lui, il parlait évidemment de il dit, je te souhaite pas Kyle Trask avec les Gators de la Floride. C'est une université qui a jamais produit de bons carrières. Or, j'ai sorti la liste des carrières qui viennent des Gators de la Floride. Forcé d'admettre qu'il n'y a pas tort, mon Alexandre, parce qu'il n'y en a pas un gros qui a performé avec les Gators. Ils ont gagné plusieurs Heisman puis performé dans NCAA. Je vais te donner des noms là. Danny Werfel. Chris Leak, Rex Crossman qu'on a vu avec les Bears de Chicago. Oh mon Dieu, oui. Tu sais, ça vient des Gators de la Floride aussi. Tu penses que JC Palmer vient des Gators de la Floride aussi, qui est analyste à ESPN aujourd'hui. C'est pas. Tim Tebow, qui effectivement. Donc, je me pose la question si les Gators de la Floride, si c'est pas leur carrière, c'est pas le système qui fait bien avec les carrières, non l'inverse. Et tant qu'à ça. C'est un bon point, sauf que il y a toujours une chose, hein, c'est que les coachs changent puis les systèmes changent. Les Gators d'aujourd'hui jouent pas le même style de jeu que les. Je vais te donner un exemple. USC a souvent eu cette réputation-là aussi. Ils ont produit des carrières qui ont eu des échecs lamentables dans la NFL. Carson Palmer n'était pas mauvais. Oui. C'est l'exception. Mais Matt Leinart, il y en a beaucoup qui ça a été des échecs. Mark Sanchez. C'est qu'il y avait un certain style de jeu à une époque qui ont pu maintenant nécessairement. Les entraîneurs ont changé. Le système a changé. C'est un peu la même chose. Moi, ce que je peux te dire de Trask, c'est que le système de Floride ressemble beaucoup à ce que LSU faisait l'année passée. Okay. C'est un peu le même système. C'est vraiment un système professionnel. C'est un peu le même système, par exemple, que les Saints de Nouvelle-Orléans utilisent. Donc, il joue dans un... Kyle Trask, il joue réellement... Un peu pour... Je vais me faire l'avocat du diable, un peu pour contrer l'argument de ton ancien collaborateur, c'est que Il joue dans un système qui est vraiment un pro-style offense. C'est lui et non ses entraîneurs, par exemple, et ça va faire une grosse différence, qui fait des ajustements à la ligne de mêlée. Donc, lui, il regarde pas au banc là, pour qu'on lui dise là, qui va blitzer, qui blitzera pas. Il est en charge de l'attaque, il se présente à la ligne, il donne le jeu ensuite, il fait les ajustements lui-même. Donc, c'est un corps professionnel déjà, Kyle Trask, mais c'est pas un grand talent, dans le sens où, ben, en fait, il a un bras très précis dans les zones intermédiaires et profondes, très, très précis, là. Pas autant que Zach Wilson, mais très précis. Mais c'est pas un gars qui est très athlétique. C'est pas un gars qui peut courir avec le ballon. Il est juste suffisant pour pouvoir déplacer un petit peu la pochette. T'sais, c'est pas un flat foot non plus. Là. Il est capable de courir un peu, mais il est pas très athlétique. Je pense pas que ce soit le genre. C'est plus un game manager qu'on appelle. Mais un bon. C'est pas le genre à Bill Belichick. Je serais surpris que les Pianic Casserio, c'est pas le genre de choix qu'ils font d'habitude. Mais tu sais, moi je l'aime bien, honnêtement, Kyle Trask. Je pense que s'il est bien dirigé, ça va revenir à la même chose que la plupart, c'est-à-dire que s'il tombe dans une bonne organisation qui le développe bien, il va être capable de jouer dans la NFL. S'il est Parce que c'est repêché, ça, hein. Hier, on parlait de Carson Wentz hier avec Tony. C'est sûr qu'on parle plus de la chronique du vendredi. Aujourd'hui, on l'a fait samedi. C'est strictement NCAA, donc on va pas de NFL. Puis je parlais de Carson Wentz. Puis souvent, c'est la confiance. Tu sais, il y a des carrières qui sont repêchées très tôt. Et c'est la confiance de l'entraîneur et le système qui marche avec un joueur également. Tu sais. Ah oui, Pour c'est être clair. Puis surtout repêché les corps arrière. 3-4, il faut que tu aies un certain talent quand même. Oui, mais oui, puis je veux dire, Trask, exactement. Regarde, il n'y a jamais de mauvais joueurs repêchés dans la première ronde de repêchage de la NFL. Ils sont tous bons. Puis en deuxième ronde aussi, il y a des joueurs qui vont être très mal développés, par exemple, et Effectivement. qui vont perdre confiance. Puis il y a des joueurs qui ne mettront pas l'effort non plus parce qu'ils sont pas assez travaillants, mais. Dans le cas de Trask, honnêtement, il y a les éléments pour être bon dans l'NFL. Il a un assez bon bras, il est précis dans les zones profondes, il lit très bien le jeu, il a une bonne vision du jeu. Si un receveur de passe de libre, il va le trouver. Il a une belle motion de passe. C'est une belle histoire. Ce gars-là est un réserviste à l'école secondaire, imagine. Il y a de bons éléments autour de lui. Il a l'air d'être un leader, mais c'est pas le plus grand des talents. Puis moi, je te dis, d'après moi, si on parle des Patriots, moi, j'ai l'impression que Trey Lance ou Zach Zach Wilson, Wilson sont plus le type. Moi, j'aimerais accessible. voir Zach Wilson. Accessible, parce Mais. que d'abord, faut oublier Justin Lawrence et Fields, il faut quand même les oublier. Là. Ben non. Mais ça donne rien Ouais, de les rêver. autres Les autres, sont pas là. ils sont plus là. Non. Là. Donc, Clairement. mais Zach Wilson pourrait l'être, par exemple, Ouais. Moi, c'est disponible. mon choix, mais. Je sais qu'à travers le temps, Casserio puis Belichick ont souvent aimé les prospects comme Trey Lance, c'est-à-dire des gars avec vraiment un plafond très élevé, mais non développé, je dirais ça comme ça, puis qui viennent de plus petites universités. Tu sais. Il y a un profil, Trey Lance, là, Par un contre, peu à la Garoppolo, mettons. ouais, c'est vrai. Mais ça serait aussi un bon choix. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup mieux Zach Wilson que Trey Lance. Mais c'est pas moi qui décide, alors On va en reparler lundi, juste NFL, Oui. si ça a de la possibilité de voir. Parce que NESN, qui est le réseau des Red Sox, l'autre fois, j'ai vu passer un article parce que Carson Wentz, c'est clair qu'il ne sera plus de retour avec les gars. Quand tu es Clairement. cloué au banc, c'est que c'est fini avec ton équipe. Là. Oui. Il va finir l'année, that's it. Jalen Hurts va finir l'année, mais on va avoir un nouveau corps à Philadelphie. Et Carson Wentz va être échangé, ça c'est clair. Et Nesson lançait l'idée que Carson Wentz pourrait être avec les Pats. Donc, puis je voudrais Oui. te faire commenter là-dessus. Mais le vendredi puis samedi, c'est plus NCAA. Donc, on va y aller avec les matchs de la semaine, évidemment. Je regarde ça rapidement. Le match qui c'est une tradition, a été annulé. Michigan-Ohio State. Ohio State, là, ça va être très problématique. Tu sais, ça va Oui, être. mais Ça commence à manquer de temps. j'ai une information pour toi. Le Big Ten aurait décidé, je vais le mettre au conditionnel pour l'instant, là, mais ça semble être de plus en plus, le Big Ten aurait décidé de réduire le nombre de matchs à 5 pour permettre, c'est ce qu'on annonçait hier dans la mi-temps du match, là, On aurait décidé de réduire à 5 le nombre de matchs nécessaires pour faire partie du championnat pour qu'Ohio State puisse en faire partie. Parce que Ohio State aura clairement pas les 6 matchs parce que le match contre Michigan est annulé. Mais pour permettre à Ohio State, on veut pas au Big Ten pénaliser Ohio State. On le sait que c'est la meilleure équipe de la conférence. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas de leur faute si les autres équipes annulent les matchs. Alors, ils auraient, eux ont pas vraiment, tu sais, ils ont plus subi la situation de d'autres universités. Alors, on diminuerait le nombre de matchs. Maintenant, est-ce que le comité, eux autres, vont les inclure dans les séries? Ça, c'est autre chose. Ben, c'est ça. Mais ils feraient partie du match. Le Big Ten, c'est pas le comité, là. Non, mais c'est que sans faire partie du match de championnat, c'était impossible pour Ohio State. Mais là, moi, j'ai l'impression que le comité risque de faire... Écoute, on sait tous que c'est une des 4 meilleures équipes pour Ohio State. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis tout le monde veut voir Justin Fields en série contre... tu sais, on veut tous qu'il soit en série. Contre Lawrence, donc... Un rematch de l'année passée. On veut tous voir ça. Alors moi, je pense que le comité va faire les choses correctement puis va envoyer Ohio State. Mais c'est pas fait encore, mais il serait du match. Il faut quand même qu'il gagne ce match-là, là, mais il serait du match de championnat malgré. Donc ça, c'est une grosse... Ça, c'est probablement la plus grosse nouvelle de la fin de semaine. Okay. C'est-à-dire Ohio State pourrait quand même faire partie, même s'ils pourront pas jouer leur match contre Michigan, de la finale du Big Ten. C'est très gros, ça. Ouais. Meilleur match c'est la bonne fin de semaine, il y en a deux. Oui. C'est présenté sur SSN Network dans 2 heures. Donc, pas disponible au Canada. D'autres, on peut le voir en septembre parce qu'on est des tricheurs. Oui. Georgia, Missouri. Donc, c'est un bon match également. Et lui, il va être disponible au Canada à 15h30. North Carolina contre Miami. C'est mes choix comme match. Tu es d'accord avec ça? C'est les deux matchs de la fin de semaine. Les autres, c'est de ne pas trébucher. T'sais, Alabama doit douter, etc. Là, on essaie de ne pas trébucher, mais les deux matchs, effectivement, là, c'est ces deux matchs-là. Écoute, Missouri me surprennent. Missouri, juste pour que les gens se situent, là, Georgia, c'est numéro 9. Contre Missouri, 25. Georgia mérite pas, en passant, d'être numéro 9. Je sais pas pourquoi le comité les a mis dans le top 10, mais ils sont là. Parce que c'est le SEC. Oui, c'est ça. Et on voulait, je pense que ça, on peut dire ça. Ouais. Mais, Georgia pas une si grosse, quoique là, ça va mieux depuis qu'ils ont changé, le corps arrière, là. Ils sont passés de Bennett à l'ancien de USC. Excuse-moi, son nom m'échappe, là, mais, et ça va mieux depuis ce temps-là. Georgia est pas mauvais. Mais Missouri m'étonne. Écoute, ils avaient eu un début de saison épouvantable. Ils avaient perdu leurs deux premiers matchs. Puis ils avaient extrêmement mal joué. Ils se sont fait massacrer par Alabama. Ça, c'est un peu normal. Et ils s'étaient fait battre solidement par Tennessee lors du deuxième match. Fait que moi, j'avais abandonné sur Missouri. Là, je vais être honnête avec toi. Puis finalement, ils ont renversé leur saison de bord. Ils ont battu LSU, ils ont battu South Carolina, ils ont battu Vanderbilt. Bref, c'est une bonne équipe. J'ai hâte de voir s'ils sont capables de donner un bon... Moi, je pense qu'ils vont donner un bon match à Georgia. C'est vraiment un match que je veux voir. Dans l'autre match de la journée, Miami contre North Carolina. Encore là, North Carolina, c'est plus une équipe que moi, je voyais l'année prochaine. Mais ils sont quand même déjà très compétitifs parce que eux, ils ont Sam Howell, qui est un excellent jeune corps. Oui, un des meilleurs corps. D'ailleurs, il est coté pour 2022, je pense, pour le repêchage. C'est ça? Pas l'an prochain, mais 2022. L'autre année, et lui, Sam Howell, honnêtement, ça devrait être un choix de première ronde, sauf incident. Éventuellement. Puis il y a une bonne équipe autour de lui. Là. C'est pas juste Sam Howell. Ils ont une bonne attaque. Puis une défense qui est quand même capable de se défendre, qui est quand même pas mauvaise non plus. Contre Miami, là, ça va être un match très équilibré. 10 contre 17, mais honnêtement, là, ça pourrait être 10A contre 10B. T'sais, c'est pas mal des équipes de même niveau. Et puis c'est ça au football. Moi, ce que j'aime voir, c'est. peu importe la force, quand c'est deux équipes de même niveau, ça donne toujours des meilleurs matchs. Là, donc, ce que tu on n'aime pas voir, c'est des massacres. Alors ça devrait être un bon match. Et c'est pas deux équipes qui ont une chance de participer aux séries, ça c'est clair, ça va pas arriver. Mais c'est deux équipes qui pourraient, par exemple, être dans un bowl important au Nouvel An, par exemple. Ouais. C'est que ça demeure c'est demeure deux équipes qui ont des saisons importantes. Puis on a des bonnes raisons de regarder ce match-là. Moi, c'est sûr que je vais. Comme tu l'as dit, moi, c'est les deux matchs que je surveille aujourd'hui qui vont avoir des impacts pas sur les playoffs, mais sur les bowls du Nouvel An, par exemple. Ouais. Si Georgia ou Miami perdent, ils peuvent se sortir des bowls du Nouvel An. Puis si North Carolina ou Mizzou gagnent, eux, ils peuvent peut-être avoir une chance de rentrer dans ces bowls-là. Ouais. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre, effectivement. Oui. Hey, puis Army-Navy, qui est une tradition, oui. Qui est le match qui est présenté à 21h, je pense que c'est sur CBS, mais je suis pas sûr. Habituellement, ce match-là est présenté, chaque année, présenté sur CBS. Donc, ça, c'est une tradition. Oui. C'est une grosse tradition. Ça, c'est un match, moi, je vais te dire, il y a deux matchs que je ne regarde habituellement pas dans l'année. Le Pro Bowl puis Army Navy, je regarde le début là, c'est spectaculaire, mais souvent le match comme tel. Mais cette année ça va avoir moins d'impact parce que ce qui est en cours, un match Army Navy, c'est la foule, parce que le match lui a fini. Ah oui. Puis c'est la foule, mais cette année, je pense, vu qu'il n'y a pas de foule, ça donne pas grand chose. Moi, je pense, quoi. Non, le match va avoir lieu à West Point. Oui, pour la première fois depuis longtemps. Ouais. Ouais. Oh, oui, parce que c'est un match. Écoute, c'est un match là, c'est une tradition. Mais pour une vue strictement football là, si vous adorez ce que les Patriots ont fait offensivement contre les Rams jeudi, vous allez aimer ça parce que c'est du triple option, des courses planifiées du corps arrière puis une passe, une foot de temps en temps. T'sais. Moi, c'est moins mon genre de football honnêtement là, mais je dois quand même dire, puis c'est souvent ça n'a pas toujours été un match équilibré parce que honnêtement, Navy a toujours des bonnes équipes. Hein. On regarde de haut les équipes militaires, mais Navy, c'est une bonne équipe de football. Ben, Army, pas tant que ça. J'ai déjà vu les Air Force dans le top 25. Oui. C'est déjà arrivé. Ah oui, Air Force aussi. Air Force. Air Force puis Navy. Habituellement, ont de bonnes équipes. Army, c'est un petit peu plus faible, mais Navy a déjà été aussi dans le top 25. Tu sais, puis ils ont eu des joueurs, ils ont déjà eu un joueur en nomination pour l'Iceman. Je me rappelle pas de son nom, mais il joue dans la NFL. Receveur de passe, il avait été repêché par les Ravens. C'était le corps arrière de l'équipe, mais tu sais, c'était un corps arrière de type Navy, là, c'est-à-dire qu'il court plus, qu'il passe le ballon, mais il était bon. Puis mais c'est toujours un match pour le côté visuel, comme tu dis, la foule. Intéressant à regarder pour le côté spectacle. Mais là, cette année, comme tu dis, Danny, ça sera pas ça, c'est que je joue. À ce moment-là, c'est un match de football assez ordinaire si t'enlèves la foule. Là. Ça sera pas le Je vais probablement préférer Georgia Mizzou. Pas mal plus. Puis c'est à toi de Sports Pass, je gêne toi pas. Hein, oui, oui. Hugues, merci beaucoup, ça. On s'en reparle lundi soir, je te le dis tout de suite, là, parce que lundi soir, on va s'en reparler donc pour la NFL et la NCAA. Oui. Notre ami Hugues Fouché, le site internet, lebitsnfl.com.